Benjamin Montague venait de fêter ses 72 ans. Affable, élégant, il se tenait assis bien droit sur sa chaise, répondant aux questions de Pascal avec beaucoup de bonne volonté. Lorsqu'elle était entrée au Nabucodonosor, le bar à vin où il l'attendait, il l'avait identifiée tout de suite, se levant pour venir à sa rencontre. Après s'être enquis de ce qu'elle désirait boire, il l'avait conduite vers une table à l'écart, apparemment amusée par cette situation imprévue qui lui permettait de rencontrer sa nièce. Après tout, mon père était votre grand-père, avait-il rappelé avec un petit rire. Elle avait trouvé ses coordonnées dans l'annuaire et n'en revenait pas qu'il ait accepté si facilement un rendez-vous. Cependant, dès les premiers mots, elle comprit qu'il ne pourrait pas vraiment l'aider. Les histoires de famille sont toujours effarantes, n'est-ce pas ? Bien entendu, je me souviens très bien de Camille, car à mon âge, les souvenirs anciens sont les plus nets. Si vous voulez que je vous parle de sa petite enfance, je pourrais le faire sans mal. J'avais 12 ans quand mon père est rentré de Hanoï avec ce bébé dans ses bagages. Il y a eu une atmosphère de drame à la maison pendant longtemps. Vous imaginez bien. Ensuite, mon père est mort et Camille a été mise en pension. Votre mère ne l'aimait pas ? Comment l'aurait-elle pu ? Songez un peu. Elle avait attendu mon père 6 ans, s'était rongé les sangs pour lui. Et voilà qu'il lui ramenait une petite bâtarde, conçue avec une tonkinoise. Et croyez-moi, il y a 60 ans, le qu'en dira-t-on avait son importance. Bref, à partir du moment où Camille s'est retrouvée chez les bonnes sœurs, je ne l'ai quasiment plus vue. Je suis moi-même partie faire mes études à Londres. Vous deviez bien vous apercevoir pendant les vacances. Benjamin Montague haussa les épaules avec un petit rire désabusé. Je n'étais pas pressée de revenir. Ma mère était très... austère. J'avais un frère plus âgé qui avait quitté la maison et une sœur hystérique. J'ai énormément voyagé. Déçu, Pascal avala quelques gorgées de vin. Le pouilly était tellement sublime que malgré tout, elle esquissa un sourire. Ce bar est sans doute le plus apprécié des vrais buveurs, chuchota Benjamin en se penchant vers elle. Il se redressa, la dévisagea quelques instants puis soupira. Je n'ai eu aucun mal à vous reconnaître. Vous ressemblez à Camille, enfin à l'image que j'en garde. Cela dit, elle était moins épanouie que vous, c'est certain. Elle ne se sentait pas bien chez nous. Et dès sa scolarité terminée, elle a demandé à s'en aller. Ma mère a consenti tout de suite, vous pensez. Elle l'a expédiée à Paris en lui recommandant de se débrouiller toute seule, et sans se soucier de savoir ce qu'elle allait devenir. Très sincèrement, même si c'est cruel à dire aujourd'hui, particulièrement à vous, on ne s'intéressait pas à elle. D'ailleurs, elle n'a pas donné de nouvelles pendant longtemps. Ma mère, qui était sa tutrice légale, l'avait émancipée pour s'en débarrasser. Il racontait d'un ton mesuré, presque triste. S'apercevait-il avec 50 ans de retard qu'il aurait dû tenter quelque chose pour cette petite sœur si mal aimée ? La gorge serrée, Pascal demanda. « Et vous n'avez plus jamais entendu parler d'elle ? C'est impossible. »« Si, ce serait très possible. Mais en effet, elle a fini par se manifester. Je crois qu'elle était en difficulté à ce moment-là. » Ma mère ne m'a pas donné de détails. J'étais alors en Autriche et j'appelais rarement à la maison. J'ai cru comprendre que Camille s'était mariée, avait eu un enfant, puis avait été abandonnée par le monsieur. Ma mère triomphait, considérant qu'il n'avait rien d'autre à attendre d'une fille comme elle. Pascal se redressa, toisa Benjamin qui s'empressa d'enchaîner. Ma mère était injuste, bornée, collée-montée, tout ce que vous voudrez, je suis d'accord. Mais à l'époque et à Toulouse, Camille représentait une tâche indélébile sur la famille Montague. De toute façon, elle ne demandait rien. Elle s'est querellée avec ma mère, et cette fois, elle a claqué la porte définitivement. Sous ses apparences dociles, elle avait son caractère. Vous devez le savoir. Beaucoup plus tard, j'ai appris qu'elle avait épousé un médecin d'Albi, et je vous jure que ça m'a fait plaisir pour elle. Pour elle ? Ou parce que ça soulageait votre conscience ? L'indignation de Pascal, légitime, rendit le vieux monsieur encore plus triste. Il ébaucha un geste d'impuissance, baissa les yeux. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi cynique que ce que vous venez de me raconter. C'était votre demi-sœur. Et d'après ce que je comprends, aucun d'entre vous n'a pris sa défense, jamais. Votre père devait se retourner dans sa tombe en vous voyant faire, ou plutôt ne rien faire pour elle. Bien que Pascal ait monté le ton, Benjamin eut la décence de ne pas regarder autour de lui pour voir si on les observait. Quel genre de jeune homme égoïste et indifférent avait-il donc été ? Je savais que vous seriez blessé par toute cette histoire, murmura-t-il. Mais comprenez-moi bien, je ne suis pas fier de ce passé, ni de ma famille. Nous avons mal agi, et mon père est mort trop tôt. Lui n'aurait pas permis certaines choses. Pourtant, je ne suis pas sûre qu'il ait été très attaché à Camille non plus. Il avait seulement fait ce qu'il considérait comme son devoir, malgré tous les ennuis qu'il allait en tirer. Ma mère n'était pas une femme généreuse. Elle ne lui a pas pardonné son infidélité, sa trahison, sa bâtarde. Et toute cette rancœur accumulée s'est tournée vers Camille. Pourtant, jamais elle n'a levé la main sur elle. Encore heureux ! Pour ne pas laisser la colère l'emporter, Pascal vida son verre d'un trait. Benjamin avait fini de siroter le sien et il fit signe au serveur de renouveler leur consommation. Après un assez long silence, Pascal regarda de nouveau l'homme qui lui faisait face et qui était son oncle. « Ma mère a rayé toute votre famille de sa mémoire, » reprit-elle d'une voix tendue. « Je ne sais rien des Montag. Vous êtes le premier que je rencontre. » »« Ne vous fatiguez pas avec les autres. Mon frère et ma sœur n'accepteraient sans doute pas de vous parler. Ils ont vécu Camille comme une injustice honteuse. Ils soutenaient ma mère à fond. Je me demande même s'il n'était pas pire qu'elle. « Mais pas vous ?» ironisa amèrement Pascal. « J'étais loin. Et ainsi que je vous l'ai expliqué, je me limitais à l'indifférence, ce qui n'est pas glorieux non plus. Et cet enfant qu'elle avait eu à Paris, qu'est-il devenu ? L'enfant ? » Effaré, il la scruta 2 ou 3 secondes, sans paraître comprendre le sens de sa question. « Eh bien, il est mort en bas âge, non ? En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Vous le savez forcément mieux que moi. » « Non, je l'ignore. Voilà pourquoi j'ai un problème, monsieur Montag. La jeunesse de ma mère était un sujet tabou. Elle n'a jamais mentionné devant moi son premier mariage, ni son premier enfant. Il a fallu tout un concours de circonstances pour que je l'apprenne, il y a peu. Votre père doit être au courant, je présume. » Invariablement, Pascal était ramené à cette évidence. Elle devait interroger son père. Pourquoi éprouvait-elle une telle réticence à l'idée de lui poser des questions ? Avait-elle peur de ses réponses ? Ou peur de l'entendre mentir. Puis-je encore vous être utile, Pascal ? Penché vers elle, Benjamin afficha un petit sourire navré. Je ne crois pas. Merci de m'avoir consacré de votre temps. Je ne suis pas beaucoup plus avancée, mais... Elle avait énormément espéré de leur entretien, et était d'autant plus désappointée que le vieux monsieur semblait sincère. Il lui avait dit tout ce qu'il savait, et c'était lui le plus concerné dans la famille Montag. Elle n'avait aucune envie de rencontrer les autres, qui ne lui apprendraient rien de plus, tout en risquant de la blesser davantage. « La vie est mal faite, » ajouta-t-il. « En d'autres circonstances, nous aurions été heureux de faire connaissance, n'est-ce pas ? Hélas, nous avons trop maltraité votre mère pour que vous ayez jamais envie de vous sentir des nôtres. Voyez-vous, j'avais moi-même un peu oublié cette histoire, ce qui est impardonnable. » Oublier, un mot odieux qui renvoyait Camille au néant. Les siens l'avaient oublié. Elle-même avait oublié à son tour sa petite Julia Nan quelque part. Seul Henri Fontanelle l'avait sorti du cercle infernal de l'indifférence. Pascal vit Benjamin poser discrètement un billet sur la table. Avant de se lever, elle le regarda une dernière fois pour être sûre de se souvenir de lui.